Insoumise, salut à toi. Le 1er mai, à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs et travailleuses, une série d'actions de perturbations économiques se succéderont partout au Québec pour contester les mesures d'austérité imposées par l'État. Les actions de la journée culmineront en soirée à Montréal lors de la 8e manifestation autonome de la convergence des luttes anticapitalistes dans l'épicentre économique de la métropole. Soyons clairs, le but de la manifestation sera de perturber autant que possible les activités commerciales habituelles de ce secteur de la ville. Cette manifestation vise à déranger l'ordre établi, car c'est le but de toute manifestation digne de ce nom. Pour nous, une manifestation est la représentation du potentiel révolutionnaire des classes exploitées et opprimées, comme l'insurrection en est l'explosion localisée, et la grève générale illimitée, le déploiement à grande échelle. Nous ne communiquerons pas notre itinéraire à l'avance. Pour tout dire, aucun itinéraire ne sera déterminé à l'avance. Nous ne demanderons pas la permission au maire, ni au ministre, ni au chef de police. Nous ne dirons pas s'il vous plaît, ni merci. Nous ne demanderons pas pardon. La seule chose qui nous reste à dire aux crapules capitalistes et aux milices violentes qui les défendent ici comme ailleurs, c'est « Ah basta, nous ne collaborerons plus ». Ceci n'est pas une menace, c'est une promesse. Le système capitaliste se nourrit de la sueur, du sang et de la chair des travailleurs et travailleuses. Il est grand temps que nous cessions de le nourrir. L'oppresseur est partout le même. Notre objectif commun doit être de le terrasser d'un élan solidaire. Contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire, le capitalisme ne peut être réformé. La phase actuelle du processus capitaliste, l'austérité, n'est pas un dysfonctionnement de ce processus, mais sa conclusion logique, car la classe politique qui nous l'impose se confond parfaitement avec la classe économique qui en profite. Prenons Philippe Couillard, l'actuel Premier ministre du Québec. Il est le chef d'un parti politique notoirement gangrené par la corruption. L'un de ses plus proches amis est un fraudeur avéré et condamné. La richissime famille royale saoudienne, reconnue pour sa gouvernance autocratique, brutale et rétrograde, le compte également parmi ses proches. Il est de notoriété publique que Couillard a lui-même placé au minimum 600 000 $ dans un paradis fiscal. Et de combien d'autres creuseurs, dans combien d'obscurs comités d'administration, le Premier ministre du Québec a-t-il été ou est-il toujours proche? Une majorité des Québécois et Québécoises estiment que le PLQ est corrompu, et une plus grande majorité encore croit que la corruption est un problème majeur au Québec. Et pourtant, les rouages grinçants de la démocratie capitaliste ont fait en sorte que la même clique d'hostie de creuseurs retourne accomplir la sale besogne des riches à l'Assemblée nationale, des deux côtés de la Chambre. La vraie crise, c'est la pathétique reproduction de ce système sans issue. Ironiquement, l'édifice voisin du bureau du Premier ministre à Montréal abrite le siège social de la HSBC, une institution financière reconnue coupable de fraude et d'évasion fiscale en Europe. Il s'est récemment avéré que des centaines de supercrosseurs québécois ont imité leur premier ministre en dissimulant de l'argent dans des comptes pourris de la HSBC en Suisse. Comment trouver illustration plus éloquente de la proximité entre l'élite politique, qui nous répète que les coffres sont vides, et les riches creuseurs qui se sauvent avec la caisse par la porte arrière des banques corrompues. S'il est aujourd'hui indiscutable que le système au complet survit à crédit, la classe possédante trouve toujours les moyens d'accumuler la richesse dans ses tiroirs secrets. L'équation est très simple, ils s'enrichissent en nous appauvrissant. Rappelons que les banques canadiennes ont totalisé 33,3 milliards de dollars de profits seulement en 2014. Ce n'est plus simplement l'austérité qu'il faut combattre, mais tout l'édifice capitaliste qu'il faut abattre. Tôt ou tard, celui-ci s'effondrera. C'est inéluctable. Tout indique d'ailleurs qu'il soit déjà engagé dans sa phase terminale. Nous proposons de précipiter sa chute dans la joie et de commencer tout de suite à imaginer la prochaine étape du vivre ensemble sur cette planète martyrisée. Chaque année le 1er mai, depuis plus de 125 ans, les exploités et opprimés prennent la rue partout dans le monde pour faire valoir leur rapport de force contre les abus du système capitaliste. Face à l'impasse, les exploités se sont souvent retrouvés dans la rue. Quand la crise ne leur laissait plus d'autre issue, ils ont pris les moyens nécessaires pour attaquer de front l'ennemi capitaliste. En hommage aux travailleurs et travailleuses et à toutes les personnes qui ont mené la lutte avant nous, et par respect pour les prochaines générations, faisons du 1er mai 2015 un jalon historique. Un message aux responsables de la désinformation. Par solidarité avec les grévistes étudiants, soumis depuis plusieurs semaines à une violence médiatique inouïe, la CLAC n'accordera cette année aucune entrevue aux représentants des médias grand public. Dans les dernières semaines, les grands médias québécois ont clairement pris position dans un conflit social que leur devoir obligerait à traiter de manière impartiale. Ils ont du coup perdu toute prétention légitime à l'objectivité et il nous est devenu impossible de leur faire confiance. La CLAC encourage au passage tout et toutes les indignés à renforcer l'infrastructure des médias sociaux, alternatifs et autonomes. Ceci est un appel à participer aux nombreuses activités de perturbation prévues dans le cadre de la grève sociale du 1er mai 2015. Cet appel est lancé dans un esprit de respect mutuel d'une diversité de tactiques, car nous croyons que chaque personne est mieux placée que quiconque pour déterminer sa propre marche à suivre. Et surtout, la claque appelle tous et toutes les indignés et les insoumises à se joindre à sa manifestation anticapitaliste annuelle au centre-ville de Montréal. 1er mai 2015, 19h. 3 points de rassemblement, Square Phillips, McGill Collège Sainte-Catherine, McGill Collège Maisonneuve. Nous sommes partout. Soyons ingérables. Ceci est un appel de la convergence des luttes anticapitalistes de Montréal. Alors, vous êtes sur CKUT, une des radios d'ailleurs mis de l'avant dans ce vidéo qui est un communiqué de la convergence des luttes anticapitalistes mise en son. En fait, je vous l'ai fait jouer parce que je pensais moi-même lire ce communiqué que j'avais plutôt trouvé intéressant. Mais en plus, ce vidéo, qui se lit bien aussi en tant qu'audio, est aussi plus large, dépasse le cadre du communiqué lui-même. Alors, donc ça, c'était pas mal l'avant 1er mai. Alors, pouvez-vous nous parler de la préparation, justement, de qu'est-ce qui s'en venait avec le 1er mai 2015, avant de parler du 1er mai tel qu'il est arrivé? Alors, on est toujours avec Rich Bonneville et Paul Ensible de la convergence des luttes anticapitalistes. C'est-à-dire, peut-être que ça vaut la peine de rappeler que c'était la 8e édition de la manifestation anticapitaliste autonome à Montréal du 1er mai, de la Journée internationale des travailleurs et travailleuses. Je veux dire, depuis à peu près les années 70, il y avait des manifestations qui s'organisaient à Montréal, au Québec. Des fois, des rassemblements un peu plus... je dirais... Peut-être qu'en 72, j'y étais pas, mais c'est peut-être que c'était un petit peu plus... ça brassait un petit peu plus. Mais à partir des années 70, avec l'institutionnalisation, l'intégration, dans le fond, des centrales syndicales au Québec, dans l'appareil capitaliste, peu à peu, en fait, la célébration du 1er mai, c'est un peu calcifié, c'est un peu apaisé, jusqu'à ce que, bon, dans les dernières années, dans les années 2000, 2004, 2005, 2006, bon, les manifestations syndicales auxquelles s'associait l'extrême-gauche anticapitaliste à Montréal sont devenues un petit peu des manifestations strictement symboliques, c'est-à-dire... qui avait aucune prétention de montrer un rapport de force ou d'être combatif ou d'être vraiment revendicatif. Donc, dans les dernières années, en 2007, surtout en 2004, 2005, 2006, 2007, il y a même eu des conflits entre les services d'ordre syndicaux et l'extrême-gauche, les groupes libertaires et les groupes communistes révolutionnaires, plus précisément. Et ce qui a fait en sorte que dans les dernières années, je pense en 2000, les syndicats avaient même commencé à organiser les 1er mai, un autre jour que le 1er mai, comme le 30 avril ou le 3 mai, pour que ça tombe les fins de semaine. Alors en 2008, ben, il y a plusieurs groupes d'extrême-gauche, des groupes anticapitalistes à Montréal qui ont dit, ben, ça va faire, on va arrêter de niaiser, on se reconnaît pas du tout dans cette démarche-là, donc on va organiser notre propre manifestation autonome pour le 1er mai avec un caractère explicitement anticapitaliste. Et ça, c'est en 2008. Donc, ce qui fait que cette année, c'était la 8e édition de ça. Et puis, depuis 2010, ben, la manifestation est organisée sous la bannière de la convergence des luttes anticapitalistes. Et qui est, pour ceux qui ne le sauraient pas encore? C'est un ensemble de groupes qui se reconnaissent en tant qu'anticapitalistes, mais il n'y a pas en tant que tel de groupe en tant que tel. C'est une convergence. Donc, n'importe qui peut assister aux réunions, n'importe qui peut participer et contribuer à la lutte. C'est pour ça, entre autres, qu'on reconnaît donc la diversité des tactiques. Chacun arrive avec ses propres expériences, ses propres convictions. Les seules valeurs que l'on partage finalement entre nous, c'est vraiment le caractère anticapitaliste de la lutte. Auquel s'ajoute aussi, je dirais, un ensemble de principes antipatriarcal, anticolonial, anti-impérialiste, antiraciste. Bon, pour nous, c'est des corollaires, là. Dans notre analyse, ça va ensemble. Sur le système capitaliste étant un des piliers, dans le fond, un des systèmes de domination, mais qui s'appuie sur d'autres piliers comme la suprématie blanche puis le patriarcat. Donc, pour nous, ça va ensemble. Donc, dans notre déclaration, la déclaration principale de la CLAQ, dans le fond, ça, c'est s'est exprimé aussi le caractère antiraciste puis antipatriarcal. Avant d'aller plus loin dans l'organisation du 1er mai 2015 puis tout son contexte, on peut peut-être revenir à l'historique, parce que là tu parlais de l'historique récent dans ce qu'on appelle le Québec, ouais. Mais l'historique général du 1er mai. Ben écoute, ça se résume à dans la deuxième partie du 19e siècle, en fait, le capitalisme industriel était dans son âge d'or. Et puis ça impliquait évidemment, comme on sait, que la dynamique capitaliste exige qu'il y ait une masse de travailleurs, une classe ouvrière qui vende son labeur, qui vende sa force de travail à la classe possédante, qui possède par définition les moyens de production. Et à ce moment-là, ben c'était débridé, c'est-à-dire que le mouvement ouvrier était en cours d'organisation. Et une des luttes que menait ce mouvement ouvrier en cours d'organisation, c'était la lutte pour la journée de 8 heures. Alors, en 1884, aux États-Unis, le mouvement ouvrier a décidé de se donner un horizon de 2 ans avant de tomber en grève générale illimitée, avec la revendication principale étant la journée de travail de 8 heures. Et le 1er mai, puisque évidemment le patronat n'a pas répondu à ça, le 1er mai 1886, il y a eu une grève générale qui a été déclarée aux États-Unis. Il y a toutes sortes de grèves locales ou d'actions locales qui ont été organisées. Et à Chicago, il y a eu un blocage d'une usine qui a mal viré. Il y a des grévistes qui ont été tués à cette occasion-là. Alors, dans la nuit du 1er mai, ou du 3 mai plutôt, il y a des anarchistes qui ont organisé un rassemblement sur la place Haymarket le lendemain, le 4 mai. Et c'était ça le lieu, le théâtre dans le fond de ce qu'on appelle depuis le massacre de Haymarket. Il y a eu une manifestation, des discours, etc. Puis vers la fin de la manifestation, il y a une bombe qui a explosé dans les rangs de la police. Il y a eu plusieurs policiers qui sont morts à cette occasion-là ou qui ont été blessés. Il y a aussi des morts du côté civil. Et la réaction, dans le fond, de l'État a été de cibler les organisateurs du mouvement ouvrier, des anarchistes, dont plusieurs ont été finalement trouvés coupables et pendus. D'autres ont été graciés un peu plus tard. Mais c'est donc pour célébrer cette histoire-là qu'on fête encore, si on veut, le 1er mai, la Journée internationale des travailleurs et travailleuses. Et officiellement, cette année, c'était le 125e anniversaire, parce que le premier 1er mai, c'est en 1890. Dans le fond, c'est la deuxième internationale, la deuxième association des travailleurs... on disait pas travailleuses à l'époque, mais la deuxième internationale qui avait voté en 1889 que le 1er mai serait la fête de la classe ouvrière. Donc, 125 ans plus tard, dans le fond, c'est encore ça qu'on célèbre le 1er mai. On voit qu'il y a un fort accent symbolique à organiser des manifestations au 1er mai. Mais pourquoi aussi vous valorisez autant cet aspect symbolique? Je pense que le gros aspect, notamment de Haymarket, c'était que c'était vraiment un mouvement de la base. Ce n'est pas une parade qui a été organisée, c'est vraiment des gens excédés par une situation qui ont décidé de s'organiser ensemble et de prendre un espace qu'ils avaient finalement construit eux-mêmes. Donc, et je pense que c'est ça que tout le monde finalement essaye de construire à chaque 1er mai à travers le monde. Et notamment, c'est un peu ce qui a été essayé d'être fait pour le 1er mai 2015. On pourrait peut-être arriver à comment ça s'organise un 1er mai. Mais dans le cadre du 2015? Ben, cette année, c'est un petit peu particulier parce que, bon, d'une part, il y avait la grève étudiante qui s'était mobilisée là dans les dernières semaines, dans le dernier mois. Puis il y a aussi, il faut le dire, je pense, une initiative ou un projet qui a été mené par les camarades du syndicat industriel des travailleurs et travailleuses, notamment, qui est un syndicat révolutionnaire à caractère anticapitaliste. Il y en a qui voudraient pas que je le dise, mais je pense que c'est un syndicat à caractère anticapitaliste et qui est d'inspiration anarcho-syndicaliste, selon moi, qui a pris beaucoup de vigueur. C'est ça, historiquement aussi, ouais, qui a pris beaucoup de vigueur dans la dernière année et qui s'est beaucoup mobilisé autour d'une campagne de grève sociale pour le 1er mai 2015. Alors, ils ont beaucoup animé cette notion-là de ramener le caractère revendicateur. C'est évidemment beaucoup orienté, là, le discours est beaucoup orienté sur la lutte à l'austérité, aux mesures d'austérité. Et il y avait cette volonté-là de, d'amener le plus possible de syndiqués, de travailleurs et travailleuses dans cette campagne-là pour une grève sociale le 1er mai 2015. Et on a vu que ça s'est traduit. Je pense pas qu'on peut donner le crédit complètement aux WOBS, mais ils ont définitivement été un moteur, une force motrice dans cette campagne-là. Ce qui a fait qu'il y a beaucoup de syndiqués, de syndicats locaux et de syndiqués qui se sont votés des activités de protestation pour le 1er mai. On l'a vu dès le matin du vendredi, de vendredi. Il y a eu plusieurs actions de blocage, des blocages d'autoroutes, des manifestations à caractère familial, à caractère un peu plus dérangeant. Donc, il y a une multitude d'actions qui ont eu lieu au cours du 1er mai. Et pour la CLAQ, ben, ce qui était important pour nous, c'était de faire valoir la diversité tactique, précisément, mais aussi de faire valoir un discours anticapitaliste, de dire que c'est pas seulement l'austérité qu'il faut combattre. L'austérité, c'est pas une dysfonction du système capitaliste, c'est une fonction du système capitaliste. C'en est la conclusion logique à plusieurs égards. Donc, pour nous, c'est important de ramener ça à l'avant-plan. Le discours anticapitaliste, que dans le fond, on peut bien demander des accommodements ou des réformes, etc., mais tant que ce système-là va être en place, ben, il va toujours avoir des exploités. Il va toujours avoir du monde qui vont payer pour, qui vont payer pour de leur santé puis de leur vie pour que les exploiteurs continuent à faire du profit. Donc, c'est beaucoup ça. Puis, pour répondre directement à ta question, mais écoute, c'est la CLAQ depuis, je te dirais, janvier, même avant ça. Pour la CLAQ, depuis une couple d'années, en fait, le 2 mai, c'est le commencement de la campagne d'organisation pour le 1er mai d'après. Donc, c'est inscrit dans le code génétique de la CLAQ depuis 2010 de travailler en fonction de mobiliser pour le 1er mai. Mais comment ça s'organise concrètement? Parce que ça a un aspect pédagogique de parler de ça pour des gens qui veulent s'organiser, des gens qui sont jeunes ou en âge de militantisme. Ça peut être intéressant de parler de concrètement qu'est-ce que vous faites, la CLAQ, pour organiser ça. C'est là-dessus que je pense que c'est le plus comique, parce que la police aime beaucoup cibler la CLAQ comme une gang de... De fous, exactement. Alors que, dans le fond, la CLAQ ne fait pas grand-chose. C'est vraiment... Les manifestations du 1er mai sont vraiment montées par la base en tant que telle. Dans le cas de cette année, l'organisation, finalement, c'est le fait qu'il y a énormément de groupes qui se sont auto-organisés, puis se sont dit « on se pointe sur les points de rendez-vous, puis on fait ce qu'on a à faire sur les points de rendez-vous ». C'est pas la CLAQ qui a rien organisé, c'est juste la CLAQ a ouvert un espace en disant « OK, le 1er mai 2015, on se rencontre à tel endroit », et c'est les gens qui se sont rencontrés, organisés avec des objectifs et qui ont décidé de faire ces choses-là. En tant que tel, ce que la CLAQ fait, c'est juste de d'amener l'espace, et c'est les gens qui l'utilisent comme ils veulent l'utiliser. Mais je dirais qu'il y a eu aussi, au fil des dernières années, l'idée de remettre le 1er mai sur la map, puis de faire valoir que le 1er mai est anticapitaliste. Donc, si on remonte 5-10 ans en arrière, le 1er mai, ça avait beaucoup perdu de ce caractère-là. Et je dirais que dans les dernières années, ça a été beaucoup ça la contribution de la CLAQ. Sinon, ben écoute, on fait des journaux. On fait des journaux où on essaie d'expliquer un peu pourquoi. Dans les dernières années, on a fait un journal pour chaque 1er mai où on rappelait cette histoire-là, puis on analyse un petit peu le contexte aussi. Des collants, des flyers, je veux dire, c'est un effort d'organisation qui est tout à fait standard, là, qui a rien de particulier. Puis je pense que Paul a raison en disant que, dans le fond, on crée les conditions. On ouvre l'espace pour que les gens puissent s'intégrer, les groupes puissent, de façon autonome, s'intégrer dans une convergence. Avant d'aller plus loin, donc, et de parler de qu'est-ce qui s'est réellement passé dans les rues ce vendredi 1er mai 2015, nous allons écouter une chanson. Je sais pas si tu peux nous l'introduire. J'écoute. Je pense que c'est mieux. C'est un reboot d'un classique, dans le fond, des mouvements sociaux. Which Side Are You On, qui est une chanson qui date des années 50 ou 60, que Pete Seeger a popularisé, qui était très populaire dans les mouvements sociaux dans les années 60, mouvement pour les droits civiques, entre autres. Mais je veux dire, c'est pratiquement... intégré à l'histoire. C'est une chanson qui est intégrée à l'histoire des luttes ouvrières, là. Alors, Which Side Are You On? Puis c'est un reboot contemporain avec, entre autres, les gars de Dead Prez, qui est un groupe de hip-hop révolutionnaire de New York. We the people are the ones who gonna have to fight. We used to say, Which side are you on? Which side are you on? The truth is, we're in so much debt that the only way out is revolution or war. So now the question is, which side are you on? On, on, on, on, on. Which side are you on, boy? Which side are you on, my daughter? Which side are you on, boy? Which side are you on? See, before I draw the line, let me welcome you close to all the folks who knew Obama sold the people of hopes. Gave the money to suckers while our community still poor. Withdrew the troops but started another war. Colonizing, terrorizing, creating the oil crisis. So they can make a killer, no food and gas prices. Prisons is filling, they trying to lock up the future. Militarized borders and control of computers. Wall of stupid bumping music that ain't healthy for the shortest. Privatizing schools and policemen in the hallways. Can't be dormant, I've awoken, rise up, be ready. Brought the family with us, and we hold the machetes. Riding the fence, too many people be riding the fence. Yeah, you say you ready for war, but are you convinced? I'm not convinced. If you're a rider, freedom fighter, crowd excited, then let's do this. We can make one big united, middle finger to the U.S. Give me the bravest and the truest, fuck the hippest and the coolest. We gon' spark this revolution and cross this off our to-do list. Put your foot down if you look down on this criminal system. Put your book down and get shook down like my niggas in prison. Don't be condemning and condoning their actions in one sentence. Make up your mind, choose your side. Is you a patriot or a menace to society? So riot or sit by quietly. But don't pull out your flag and try to say you gon' ride with me. You flip-flopping like hip-hop, I don't get locked in that trick box. Get got like Big and Pop, shit's got to stop. I am the people, not the pig, I repeat after Fred. So please blow my brains out if I ever forget. I'm with the independent thinkers. I'm down with the movers and the shakers and the ex-henny drinkers. The non-smokers, the health advocates, the non-voters. The young bloods in the hood training like soldiers. I'm on the side of the tracks with the hood guards. The little child that don't color inside the margins. I don't ride the fence, I cultivate my strength. Cause if it ain't about power, it don't make sense. I've been down with Boogie Down since BDP, some brown pride. And black power make RBG. A OG told me choose battles wisely. In the struggle, don't forget your children and your wife. If you don't see me on the podium preaching it, every day I hope my every action is teaching it. Cause revolution is a process, it's not a speech or a panel. Don't bite off more than you can handle. Which side are you on? Que vous pouvez retrouver sur YouTube, comme disait notre invité, Rich Bonnemill. Donc, vous allez l'entendre. C'est une excellente remix ou reversion, j'allais dire, mais plutôt une nouvelle version. Alors, nous, tout ça pour en arriver à ce qui s'est passé réellement dans les rues le 1er mai 2015. Alors, je vous laisse le micro. C'est relativement simple. Je te dirais que pour prendre un peu ce qu'on disait tantôt, ben on essaie quand même de prévoir un scénario ou deux scénarios ou trois scénarios, là, la claque, compte tenu du fait que c'est une manifestation qui est brutalement réprimée là, dans bon an, mal an, surtout depuis les deux dernières années. Donc ça nous pousse à innover, ne serait-ce que pour être en mesure de prendre la rue. L'année dernière, on a innové un peu, puis ça a fonctionné, je te dirais, à 60%, mais il y a quand même eu des souricières, donc ça répondait pas nécessairement à un scénario idéal là, pour nous. Donc cette année, la CLAQ, le comité 1er mai, a essayé d'élaborer des scénarios, quelques scénarios pour voir qu'est-ce qu'on pourrait essayer de différent. Et peut-être l'élément central de ce nouveau scénario-là, ou le principal élément, c'était de pas avoir seulement un point de rendez-vous, et aussi, comme on le disait tout à l'heure, le fait qu'il y a plusieurs contingents autonomes qui se sont auto-organisés pour participer à cette convergence-là physiquement. Et ça fait en sorte que ça a un peu brouillé les pistes pour le SPVM. Ce qu'on a pu observer, c'est que le SPVM, dans le fond, de son côté, son scénario, c'était d'essayer de nous faire jouer dans son carré de sable. Ça, le carré de sable, c'est un code qu'utilise le groupe d'intervention, dans le fond, pour nous faire tourner en rond, pour nous faire rendu à tel coin, il bloque, puis il nous laisse juste une possibilité, donc on va par là. Rendu à l'autre coin de rue, ils font pareil, donc on tourne en rond. Donc c'est un peu ce qu'ils ont essayé de faire cette année. Sauf que le fait qu'il y ait trois points de rendez-vous, ça mêlait un petit peu les cartes. Puis le fait qu'il y ait des contingents qui arrivent d'un peu partout, ben ça l'envoyait ça à niveau 11 sur 10, là, niveau caractère non imprévisible, dans le fond, de la convergence. Puis ben, ce qui est arrivé, c'est que tout de suite en partant à un des points de rendez-vous qui était le carré Phillips, quand on a essayé de prendre la rue, on a essayé de prendre la rue qu'on voulait, c'est-à-dire de pas se soumettre à ce dicta-là qu'on avait passé par là absolument. Et immédiatement, bon, ça a provoqué une confrontation, on a été poivrés immédiatement. On s'est regroupés et on est parti dans l'autre direction. On a fait deux coins de rue. Et au coin de McGill College et Maisonneuve, il y a eu une autre confrontation du même style, c'est-à-dire nous, on voulait passer par là, ils nous ont pas laissé aller, il y a eu un peu de baston, un peu de poivre, et c'est à ce moment-là que les gaz ont commencé à sortir. C'est exact. On en profite d'ailleurs pour rappeler que la CLAC organise aussi notamment des teach-ins, mais aussi des communautés de défense. Fait que si jamais vous avez été arrêté, vous connaissez quelqu'un qui a été arrêté avec un ticket ou des charges criminelles, vous pouvez nous contacter à défense@clac-montréal.net. Sinon, vous pouvez aller directement sur le site web à clac-montréal.net pour avoir plus d'informations. C'est sûr que on veut essayer de traiter faire remarquer qu'il y a eu énormément de blessures, autant des blessures physiques que des blessures psychologiques. On a croisé quand même beaucoup de gens qui étaient clairement traumatisés par l'assaut très, très sauvage de la police, totalement injustifié même, qu'on pourrait dire. Disproportionné à tout le moins. Disproportionné, ouais. Effectivement. Puis, ben écoute, pour le reste, dans le fond, de ce qui était prévu comme scénario, ben il y avait le plan B qui était, ben si un événement comme celui-là se produit, on se fait massacrer, on se fait rentrer dedans, on se fait gazer, on se fait disloquer, ben on invitait les gens à rester au centre-ville et à se regrouper. Donc c'est ce qui s'est passé là pour les 2 heures suivantes. L'objectif de cette manifestation était de perturber au maximum les activités régulière de ce secteur-là, du secteur commercial de Montréal. Et ben à cet égard-là, je pense qu'on a réussi. Je veux dire, c'est une grande réussite collective que on a réussi à se regrouper, à rester là, à occuper le territoire malgré la répression. Et c'est ce qui s'est passé là jusqu'à 10 heures le soir. Il y avait encore des groupes qui se refaisaient, qui se regroupaient, puis qui perturbaient le trafic. OK. En quelques mots, pour conclure, quel est l'impact d'un événement comme le 1er mai, particulièrement appliqué à cette année, le 1er mai 2015? Ben, moi, Paul, tu compléteras, mais pour moi, l'important, c'était de renverser la vapeur de ce qui s'était un peu installé dans les dernières années, c'est-à-dire une répression, une quasi-impossibilité de prendre la rue. La CLAC a été critiquée beaucoup du fait qu'on insistait pour prendre la rue, et le fait qu'on soit en mesure de prendre la rue ne serait-ce que 10 minutes, c'était pour nous suffisant pour être relativement content, mais clairement, c'était pas suffisant, c'était pas le meilleur scénario, donc il fallait non seulement prendre la rue, mais la garder, la rue. Et le facteur numéro un de réussite là-dedans, c'est le nombre, c'est la force du nombre. Et cette année, ben, on est passé de, peut-être, on était 1000 en 2013, on était plusieurs milliers, là, 4-5 000 en 2012, mais en 2013, ça avait chuté assez dramatiquement. En 2014, c'était difficile parce que le scénario appelait une décentralisation, donc on peut pas savoir exactement, mais c'était pas l'idéal. Et cette année, ben, là, on parle de plusieurs milliers de personnes, de 4, 5, 6, 7 000 personnes. Encore là, c'est difficile d'avoir un chiffre exact, mais il y avait vraiment beaucoup de monde mobilisé. Et c'est ça, c'est le facteur numéro 1 qui fait en sorte qu'on peut garder la rue. Que même s'ils nous disloquent, même s'ils nous tapent dessus, ben on peut se regrouper plus loin puis continuer à occuper le terrain. Donc, je te dirais que l'impact, c'est celui-là, l'impact principal. C'est de montrer qu'on est capable de se réunir, qu'on a une force quand on est ensemble, qu'on est capable de se réunir, de garder le terrain, puis que ça s'applique pas seulement à prendre la rue, mais ça s'applique au mouvement qu'on peut créer ensemble après. Parce que là, on va s'en aller sur l'automne, supposément que les syndicats disent qu'ils veulent mobiliser sur l'automne, on va voir, mais ça montre que de se dire anticapitaliste, puis de dire qu'on rejette le système, ça implique pas qu'on est nécessairement minoritaire et marginaux, là. On est capable d'être fidèle à ses principes, puis si on s'unit, si on se regroupe, on a beaucoup de force potentielle dans nos mouvements. Merci Rich Bonnemille. Et quelques mots pour terminer, possible. Je pense que le gros gain, ce qui va nous rester dans l'avenir pour le 1er mai, c'est vraiment cette construction du rapport de force. C'est que c'est pas juste c'est qu'on a vu, les gens sur le terrain ont vu qu'elles avaient une force face à la répression de la police, et je pense que c'est significatif quand on considère ce qui s'est passé avec le mouvement étudiant, la manière dont le mouvement étudiant a été réprimé politiquement, médiatiquement, institutionnellement. Je pense que ça rassurait beaucoup de monde de voir que oui, OK, on se fait taper dessus, mais on est quand même capable de se tenir debout puis de tenir notre bout du bâton. OK. Et pour joindre la claque? Écoutez, allez sur le site Internet. Le courriel principal, c'est info@claque-montréal.net. Mais toutes les informations sont sur le site, puis une panoplie d'articles là, qu'on écrit, plusieurs journaux qu'on a produits dans les dernières années, des articles de l'analyse de l'éducation populaire. Alors, j'invite les gens à aller sur le site de Claque Montréal et de s'informer sur ce qui se fait dans les autres pays qui sont atteints par l'austérité. Les mouvements qui se mettent ensemble en Grèce, en Italie, un peu partout où il y a une expérience de résistance un peu plus offensive. Alors, c'est important, je pense, de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs aussi. Bien, merci beaucoup à vous deux de la convergence des luttes anticapitalistes d'être venus aujourd'hui.